Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche de Homo sapiens. D'où venons-nous? L'étude d'hominoïdes, de primates qui vivent sur Terre depuis près de 25 millions d'années, permet de remonter très loin dans notre histoire. Certains de ces hominoïdes ont été retrouvés en France, où ils vivaient il y a 12 millions d'années sous un climat tropical. Et c'est probablement vers 10 millions d'années qu'ont émergé les lignées qui ont mené aux gorilles, aux chimpanzés, aux bonobos et à l'homme. Mais où cela s'est-il passé? La question reste entière. Brigitte Senu, paléontologue, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, est une spécialiste des mammifères fossiles et de la divergence entre les grands singes et l'homme. Depuis 1986, elle dirige des expéditions de terrain en Afrique. Avec son équipe, elle a découvert les restes d'aurorines au Kenya en 1999, un hominidé bipède qui vivait il y a 6 millions d'années. Il y a quelques mois, elle s'intéressait à Littlefoot, un des plus vieux ancêtres de l'humanité, enfin dévoilé plus de 20 ans après sa découverte en Afrique du Sud. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Il y a quelques mois, Littlefoot, qui était un squelette qui fut découvert en 1995 en Afrique du Sud, a fait reparler de lui. Découvert par Ron Clark dans la grotte de Sterkfontein, dans le Cradle of Humankind en Afrique du Sud, il était connu au départ par un pied et un fragment de tibia. Or, ce tibia a été cassé net et Ron a eu l'idée d'aller chercher s'il y avait dans cette grotte une cassure fraîche d'un os qui pouvait coller. Il a cherché, il a trouvé. Et c'est devenu le squelette de Littlefoot qui vient de nous être donné en pâture à nous scientifiques dans une publication récente. Au départ, cette pièce était censée être aux alentours de 3 millions d'années. Et puis, des découvertes dans les méthodes de radiométrie, des méthodes plus précises, ont montré qu'il pouvait avoir près de 4 millions d'années. Alors, ce squelette, il était assez exceptionnel. Je me souviens de l'avoir rencontré en 1998, où il était couché dans le fond de la grotte de Sterkfontein. Le crâne était parfaitement conservé. On voyait les os qui s'allongeaient le long d'une pente dans les remplissages de karst dans ces pays calcaires de l'Afrique du Sud. Et effectivement, c'était un sacré défi pour sortir ce matériel. Et ça a mis plusieurs années, plus de 10 ans, pour lui redonner vie dans la paléontologie moderne. Quand j'ai eu la chance de le voir, puisque je suis descendue dans cette grotte dans des conditions qui étaient un petit peu compliquées à l'époque, c'était assez exceptionnel parce que, à part Lucie que j'avais tenue dans mes mains en 1975, c'est la première fois que je voyais un squelette aussi ancien, complet, dans son, je dirais pas son cercueil, mais son cercueil naturel de calcaire. Alors, ce qui est intéressant chez Littlefoot, c'est comme chez beaucoup d'australopithèques, il est à la fois bipède, mais il pouvait aussi grimper aux arbres. Une stature probablement d'1m35 à 1m40 en moyenne. Et puis, c'était un individu qui avait un petit cerveau, comme la plupart des australopithèques. Et son pied était intéressant parce que son gros orteil était légèrement divergent. Et ça conforte aussi l'idée d'un animal qui va grimper en saisissant les branches. Alors, il fait partie du grand groupe des australopithèques, parmi lesquels il y a probablement un groupe qui a donné naissance aux hommes ultérieurs. Et ça fait partie de nos joyaux actuels de la paléontologie humaine. Quand on parle d'évolution de l'homme, on a tendance, et je trouve que c'est un grand défaut d'un certain nombre de scientifiques, de ne travailler que sur l'homme actuel, les chimpanzés, les gorilles, éventuellement les orang-outans actuels, et puis les fossiles. Or, étant très hérétique et de nature, je me suis dit que si on avait des hommes anciens qui étaient là vers 4-5 millions d'années, il y avait autant de chances qu'ils ressemblent à des choses qui existent aujourd'hui qu'à des choses qui étaient plus anciennes. Et j'ai commencé dans les années 80 à travailler sur des niveaux beaucoup plus anciens, puisque je descends aujourd'hui à 20 millions d'années, voire plus. Mais en tout cas, je me suis spécialisée sur le groupe des hominoïdes. Alors, la superfamille des hominoïdes dans le monde actuel regroupe les hommes et les grands singes, que ce soit les grands singes asiatiques, avec les gibbons et les orang-outans, et les grands singes africains, avec les chimpanzés, les gorilles et les bonobos. Eh bien, c'est une mine d'informations. Parce que on peut recaler, on peut replacer l'évolution de l'homme dans l'évolution de vraiment de cette super famille. Et aujourd'hui, le défi, c'est de mieux comprendre les différences entre les grands singes actuels et les hommes, et surtout de comprendre le moment où ils se sont séparés. Si aujourd'hui, si je peux faire un peu le point des connaissances actuelles, dès 25 millions d'années, les premiers représentants de cette super famille hominoïde, on les connaît exclusivement en Afrique, en Tanzanie et au Kenya. Vers 23,5 millions d'années jusqu'à à peu près 17,5, eh bien ces hominoïdes, on va les retrouver exclusivement toujours en Afrique, mais en dehors de l'Afrique orientale. Bien sûr, ils sont toujours présents au Kenya, on les trouve en Ouganda, mais on les trouve également en Égypte et en Afrique du Sud. Et là, en Afrique du Sud, j'avoue, c'était un peu une découverte un peu exceptionnelle, puisque c'est dans une mine de diamants que j'ai eu la chance de trouver une demi-dent supérieure d'un hominoïde fossile. Et depuis 1996, la date de la découverte, ça reste la seule demi-dent d'hominoïde qui nous montre que ces hominoïdes ont vécu en dehors de l'Afrique orientale, en Afrique australe. Vers 17,5 environ, jusqu'à 11,5 millions d'années, là, il y a quelque chose d'important qui se passe, parce qu'il va y avoir télescopage de la plaque africaine vers la plaque eurasiatique. Passage possible vers l'Europe et l'Asie. Et à ce moment-là, c'est une conquête, j'allais dire, des faunes d'hominoïdes vers l'Eurasie. L'histoire des hominoïdes, comme la plupart de l'histoire des faunes et des flores, a été rythmée par des variations de notre globe terrestre et également des variations des climats à la surface du globe terrestre. À cette époque-là, la calotte antarctique devient assez grande et elle va repousser les ceintures climatiques plutôt vers le nord. Donc les tropiques, qui étaient centrés sur l'Afrique, vont se déplacer vers le nord et les premiers hominoïdes connus au monde étaient en France, à Saint-Gaudens, trouvés dans des niveaux de 12 millions d'années environ. Là, on va voir en Allemagne, on va voir en Espagne, on va voir en Chine, on va voir au Pakistan, on va voir plein de pays de l'ancien monde eurasiatique, des hominoïdes. Et puis, aux alentours de 10 millions d'années environ, la calotte arctique se met en place et elle va rebasculer vers le sud les tropiques qui vont prendre leur position actuelle. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Eh bien, tous les hominoïdes vont disparaître d'Eurasie, sauf quelques-uns qui vivent aujourd'hui en Asie du Sud-Est, en Malaisie, à Bornéo, à Sumatra, parce que cette région est toujours restée tropicale. En dehors de ces hominoïdes de l'Asie du Sud-Est, qui sont aujourd'hui représentés par les orang-outans et les gibbons, eh bien, que s'est-il passé pour les hominoïdes africains, dont nous sommes des membres? Eh bien, ces hominoïdes africains, qui ont donné naissance aux chimpanzés, aux gorilles, aux bonobos et à l'homme, eh bien, c'est dans ce groupe d'hominoïdes qui était en train de disparaître ou de redescendre avec les ceintures tropicales, qu'il faut rechercher leurs origines. Dans le Miocène, donc cette période qui va de 23,3 millions d'années à environ 5,5 millions d'années, il y avait des dizaines et des dizaines de lignées de grands singes en Afrique. Et là, c'était vraiment la paléoplanète des singes. Il y avait une grande diversité de formes qui avaient des alimentations différentes, des locomotions différentes. On trouve des sauteurs, on trouve des animaux qui font des ponts, il y a des animaux qui vont marcher à quatre pattes, d'autres qui vont grimper. On a des choses extrêmement variées, avec des tailles extrêmement variées. On a des êtres qui vont être de la taille d'un gorille actuel jusqu'à celle d'un gibbon, ou plus petit qu'un gibbon actuel. Donc une grande diversité, et c'est de cette diversité que sont nés les grands singes actuels et les hommes. Alors, parmi ces hominoïdes du Miocène inférieur, donc d'environ là 20 millions d'années pour le coup, ça c'est sur le volcan de Napak en Ouganda que nous avons fait en 2011 une découverte assez exceptionnelle. Enfin, on était tous très très heureux. C'est un crâne d'un Ougandapithèque major. Et ce crâne, alors c'est pas moi directement qui ai fait la découverte, c'est un de mes collègues, puisque j'étais sur le gisement, mais on travaillait pas au même niveau, qui a vu sortir dedans et un fragment d'arcade zygomatique. Ensuite, on l'a dégagé. Et au fur et à mesure où on dégageait, on avait un palais complet. Puis on a continué, on a vu que l'os continuait, donc on a continué à dégager, et on s'est trouvé devant un crâne. Et puis les ouvriers ont fait des cordes avec les végétaux, et on l'a descendu comme ça du volcan. L'Ougandapithèque, dans sa morphologie, il ressemble à rien. C'est pas un gorille, c'est pas un chimpanzé, c'est pas un homme. Il a une face un tout petit peu projetée. Il a un tout petit bourrelet au-dessus des orbites. Il a des orbites un peu allongées. Donc, on continue à le travailler. Là, il sera publié cette année. C'est une sacrée découverte. Alors, parmi les hominoïdes fossiles, pour moi, un qui est cher à mon cœur, c'est le Dryopithèque de Saint-Gaudens, trouvé par M. Fontan en 1856. C'est le premier grand singe fossile connu, et il est français. Alors, un peu de cocorico de temps en temps, ça fait pas de mal dans le monde actuel. Et il était représenté par deux fragments de mandibule et un bout d'humérus. Et c'est tout ce qu'on connaissait, c'est tout ce qu'on en connaît. Il a environ 11,5 millions d'années, on a 12 millions d'années environ. Et donc, c'est un animal intéressant, notamment sur son squelette, enfin le peu qu'on ait de son humérus, ressemble beaucoup aux humérus qu'on va trouver en Espagne ou même chez certains orang-outans actuels. Et ce qui nous a fait penser, un certain nombre de chercheurs, que c'était peut-être une forme déjà orang-outaniforme qui aurait évolué en Eurasie à l'époque. Ça confirme bien l'idée que l'Europe était tropicale. On n'a pas seulement que des grands singes ou des hominoïdes tropicaux, on avait aussi des faunes tropicales et qui étaient largement répandues en Eurasie à l'époque. On écoute Mévoy avec Ibéi et Mala Rodriguez sur France Inter. Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Inter. En 1999 au Kenya, avec Martin Pickford, Brigitte Senu a découvert Aurorine, un hominidé qui vivait il y a 6 millions d'années. C'était à l'époque le plus ancien hominidé bipède, avant la découverte en 2002 de Toumaï, qui lui a presque 7 millions d'années. Brigitte Senu, paléontologue au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, la grande divergence entre l'homme et les grands singes est datée peut-être à 10 millions d'années, peut-être un peu plus. Mais il y a quand même trois découvertes qui ont été un petit peu plus médiatisées, qui est parce qu'elles apportent des choses intéressantes. C'est celle, bien sûr, de Toumaï il y a 7 millions d'années, celle d'Aurorine à 6 millions d'années et celle de l'Ardipithecus Kadaba qui a environ 5,2 à 5,8 millions d'années. Et pourquoi elles sont importantes? Parce qu'on avait probablement des preuves de première bipédie à cette époque-là. Et la bipédie, on sait que c'est un caractère qui est important pour comprendre notre ancestralité. Alors, dans beaucoup de médias, on lit aujourd'hui, moi je l'ai lu encore récemment, que la bipédie ne sert pas à définir correctement. Et alors moi, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que tous les primates sont bipèdes, mais le seul primate qui soit capable de marcher pendant longtemps, sur de longues distances, en étant efficace d'un point de vue énergétique, c'est l'homme. Et ça se reflète dans le squelette, avec sa colonne vertébrale à quatre courbures, avec sa tête positionnée sur cette colonne vertébrale bien en équilibre, avec son bassin élargi, ses membres inférieurs allongés, ses fémurs inclinés vers l'intérieur, et ses pieds, avec une voûte plantaire. Eh bien ça, on ne le trouve que chez l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à retrouver certains de ces caractères chez des fossiles du myo-pliocène, c'est-à-dire d'une période qui va entre 7 millions d'années et 4-5 millions d'années environ. Si on parle de Toumaï pour commencer, d'abord Toumaï, donc c'est Sahelanthropus tchadensis, trouvé par l'équipe de Michel Brunet en 2001 au Tchad. C'était un crâne écrasé, trouvé en surface et qui a été reconstitué. Et lors de la reconstitution, on s'est aperçu que le foramen magnum, donc le trou occipital, ce trou par lequel passe la moelle épinière, était relativement déplacé vers l'avant. Donc la position et son orientation ont laissé penser qu'il était en position centrale, comme on trouve chez l'homme. Donc ce serait un bipède. 11 juillet 2002 sur France Inter. Toumaï, en dialecte tchadien, ça veut dire espoir de vie. Il va falloir s'habituer à ce nouveau nom qui est celui désormais du plus vieil hominidé que l'on ait découvert. Il a 6 ou 7 millions d'années. C'est un crâne quasi complet qui a été trouvé au nord du Tchad en juillet dernier par un étudiant de l'université de N'Djamena. Il faisait partie de l'équipe dirigée par un Français, le professeur Michel Brunet de l'université de Poitiers. On en a fait un ancêtre de l'homme. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plutôt un ancêtre des gorilles. Mais ça n'ôte rien à son exceptionnalité parce qu'on ne connaît pratiquement rien sur la lignée des gorilles. Et je pense que tant qu'on n'aura pas de post-crânien, en tout cas d'éléments du squelette bien décrits, il faudrait être extrêmement prudent. Alors actuellement, il y a deux idées qui s'opposent. Ou c'est un ancêtre de l'homme, ou c'est un ancêtre des gorilles. Et puis je pense qu'il faudra attendre qu'on ait plus de matériel et qu'on soit allé vraiment au fond des choses avant de pouvoir conclure. Alors parmi ces trois grands personnages du myo-pliocène, donc de cette période de 7 à 5,5 millions d'années environ, eh bien on a un autre prétendant au titre d'ancêtre, c'est Aurorine tugenensis, que nous avons trouvé au Kenya en 2000. Alors la découverte fut assez drôle d'ailleurs parce que nous venions d'Ouganda et les ouvriers avec qui, bien sûr, on travaille depuis des années, on avait un peu ras-le-bol d'être au camp, attendre, ils avaient monté le camp. Donc le chef des ouvriers est parti prospecter et il a trouvé deux fragments de mâchoire et quand nous sommes arrivés, il me donne un petit sac en papier. Et dans ce sac en papier, il y avait deux fragments d'ifules. Je lui ai dit mais c'est du bonhomme. Il me dit oui, je sais. Et c'est là aussi qu'on prend conscience que les personnes locales ont une connaissance très forte de l'anatomie. Donc on est allé après déjeuner, parce qu'il faisait trop chaud, on est allé sur le gisement. Et là, c'est là où Martin Pickford a trouvé les restes du fémur, les premiers restes du fémur. Et puis en rentrant au camp le midi, j'ai trouvé un bout d'humérus. Donc on est revenu l'après-midi, j'ai sorti l'humérus et Dominique Gomery, mon jeune collègue, a trouvé sous l'humérus un deuxième fémur. Et puis, les ouvriers ont trouvé des dents. Donc, c'est une découverte qui a été fantastique d'un point de vue humain, parce que chacun a trouvé un morceau. Tout le monde était très excité au camp, bien sûr. Et puis, on a réfléchi à la manière de l'appeler, au nom qu'on devait lui donner. Et il y a plein de noms confusés. Et puis, nos ouvriers ont dit, mais dans les légendes tugaines, on a une légende sur l'être originel qui s'appelle Aurorine. Et du coup, on a opté pour ce nom. D'abord parce que c'était un nom local. Et puis, c'était une manière aussi d'être respectueux vis-à-vis des populations locales et de leurs croyances. À quoi ressemblait Aurorine dans tout ça? Alors, Aurorine, il avait une face relativement plate, parce que par rapport à ce que l'on a trouvé en 2000, on a continué à travailler, on a trouvé beaucoup d'autres choses. Donc, on a trouvé maintenant le reste de la mandibule, et elle est aux trois quarts complète aujourd'hui. On a trouvé des dents supérieures qui se recollent, on a des os du squelette. On peut dire tout de même qu'il y avait une face relativement plate. Les molaires sont petites et carrées, l'émail est épais, la mandibule est haute. Et c'est tout ce qu'on peut dire pour la face, puisqu'on n'a rien d'autre sur la face. Quant au squelette, alors on a bien sûr plusieurs fémurs et ces fémurs montrent clairement un allongement du fémur. Même s'il n'est pas complet, on l'a mis en comparaison avec des chimpanzés de taille similaire. Et l'allongement du fémur est un des premiers caractères pour montrer l'allongement du membre inférieur. Ensuite, on a fait les scanners et sur le col fémoral renferme un os cortical très épais alors qu'il est beaucoup plus fin au sommet. Et bien ça, on trouve ça chez les êtres bipèdes comme les hommes ou les australopithèques, car marchant sur deux pattes, vous êtes obligé de renforcer votre col pour ne pas vous casser la figure. Donc, on peut dire qu'Aurine était bipède. Mais est-ce qu'il était bipède comme nous? Pas du tout. Parce qu'on a notamment l'humérus qui nous montre que c'est un animal qui pouvait grimper aux arbres, comme Lucie. Et par ailleurs, on a trouvé une phalange de la main qui nous montre qu'il avait des possibilités de saisie dans les arbres. Par contre, on a une phalange de pouce, la dernière phalange de pouce qui nous a posé énormément de problèmes, parce qu'elle est complètement humaine. Et on s'est aperçu que ces caractères, ce n'étaient pas des caractères de manipulation, c'était des caractères de saisie fine, de saisie de précision. Et peut-être que ça a été un avantage dans la lignée humaine plus tard, d'avoir ces saisies de précision pour pouvoir manufacturer des outils. Et alors, le dernier représentant potentiel de notre lignée, c'est peut-être Ardipithecus cadaba, trouvé en Éthiopie par l'équipe de Tim White. Cette hominidé potentielle ne possède qu'un reste du squelette qui permet de montrer qu'il est bipède. C'est une phalange de pied trouvée dans des niveaux de 5,2 millions d'années. Donc voilà où on en est aujourd'hui, avec beaucoup de questions, donc beaucoup d'espoir pour les travaux de l'avenir. L'Odyssée de l'espèce de Jacques Malaterre, diffusée en 2003 sur France 3 avec la voix de Charles Berling. Il mesure 1m30. À quatre pattes dans la savane, il ne sait plus où il va. Alors, il se dresse sur ses deux pattes arrière. Et là, il voit. Il voit. Il observe. Il voit. Et dès qu'il veut se déplacer, ça recommence. Être à quatre pattes l'empêche de voir. Alors, il a une deuxième intuition. Il va avancer, mais debout. Et le plus longtemps possible. Ça y est, il est bipède. Ce n'est pas une attitude naturelle pour un singe, mais ça fonctionne. Maintenant, il n'est plus un singe. Il s'appelle Aurorine. Que c'est beau la paléopoésie. Le singe quadrupède là, qui marche à quatre pattes et qui se redresse dans la savane, faut arrêter quoi, parce que c'est il y a longtemps qu'on sait que c'est plus ça. Et puis maintenant on a quand même des éléments bien plus consistants, mais ça fait partie des archives de nos connaissances. C'est que c'est sur ces archives qu'on a bâti notre savoir actuel. Et qu'Aurorine, effectivement, il était certainement dans les arbres. Tous les ancêtres d'Aurorine, tous les hominoïdes précédents étaient arboricoles. Donc il y a certainement des marques d'arboricolie. Cette arboricolie, on la retrouve aussi peut-être dans l'aplatissement de sa face, puisque la plupart des primates qui sont arboricoles ont des faces plutôt aplaties. Et cet aplatissement de face, on le retrouve chez nous aujourd'hui. C'est certainement quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres. Et quand on s'est mis debout dans ce milieu tridimensionnel, eh bien on a gardé cette face aplatie avec cette vision qui nous permet de voir loin. Feu Chatterton, Ginger. Quel est ce parfum que le vent dépêche? On dirait que la chair brûle. Viens, suis-moi, je connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche. Empruntons ce chemin, dis adieu à la ville. Je t'attends, prends ma main. Cesse donc de jouer l'indocile. La lave aura bientôt recouvert nos maisons. Je t'en prie, allons-en. Mon cœur est un pendule. Mon cœur bat dans tes bras. Je ne fais que t'attendre. Mon cœur, sous le ciel noir de cendre. Oh, Ginger, la montagne vacille. Ginger, allons-nous-en d'ici. Cours, enfin cours, allez, vas-y. On dirait que l'enfer entier est à notre hausse. La lave s'avance, mais je crois en la chance de rejoindre la mer. Elle est là, quelque part, non, ne te retourne pas. Rien vite, suis-moi mon cœur. Les chiens sont à nos talons, mais la jetée n'est plus loin. Oh, Ginger, le sol sous nous vacille. Mais Ginger, un grand bateau se dessine là-bas. L'espoir nous fait un signe. Oh Ginger, nous serons loin d'ici. Dans une heure, si tu le veux, saute. Allez, vas-y. La grande galerie de notre évolution se révèle beaucoup plus foisonnante que ne l'imaginaient les paléontologues il y a quelques décennies encore. Nous avons peut-être un peu de Toumaï, d'Aurorine ou d'Ardipithecus en nous. Nous avons plus probablement des gènes d'Australopithèque. Les scientifiques pensent qu'il y en avait au moins 8 espèces différentes. Brigitte Senu, paléontologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors faisons suite à ces premiers ancêtres potentiels, on trouve le grand groupe des Australopithèques qui est vraiment celui qui a bien réussi, parce qu'il a quand même survécu près de 4 millions d'années, donc c'est quand même un groupe qui a bien réussi. On les connaît qu'en Afrique, on les connaît en Afrique orientale, en Afrique australe, et en Afrique centrale, et ça c'est une découverte importante de l'équipe de Michel Brunet, où la découverte d'Abel au Tchad montrait que pour la première fois, il y avait eu d'autres Australopithèques en dehors de la zone classique du rift et de la fin du rift. Donc on se trouve au Tchad avec une mandibule datée de 3,5 millions d'années environ. 28 mars 2008, France Inter. Michel Brunet, paléoanthropologue, se souvient de sa découverte en janvier 1995. Imaginez, cela faisait 20 ans que je cherchais. Imaginez un seul instant quelqu'un en train de chercher des champignons, et Dieu sait s'il y a des chercheurs de champignons en France. pendant 20 ans avant de trouver le premier. Ça a été un moment fort, très fort, forcément. Mais c'était le début d'une nouvelle aventure scientifique. Mais c'était aussi une histoire humaine parce que pendant ces 20 ans, un de mes collègues, un ami proche, Abel, nous a quittés prématurément en mission. Alors Abel a 3,5 millions d'années et malheureusement représenté que par une mandibule, donc c'est peu de choses. Mais c'est probablement un des premiers hominidés en dehors du Rift africain et du Cradle of Humankind en Afrique du Sud. Donc c'est important parce que ça nous montre une évolution beaucoup plus panafricaine des hominidés anciens plutôt qu'une évolution liée systématiquement au Rift africain jusqu'à la fin de ce Rift dans le Transvaal sud-africain. Probablement, on trouvera d'autres australopithèques ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que toute l'Afrique occidentale est vierge actuellement de données aussi anciennes. Donc il faut avoir de l'espoir pour l'avenir, trouver les bons sites. Alors quelquefois, c'est des problèmes de conservation des niveaux qui n'existent pas conservés quand ils ne sont pas là. C'est aussi des problèmes de géopolitique, on ne peut pas travailler n'importe où. Et puis, il y a d'autres endroits, il faut regarder, ce sont les castes, systématiquement. On a commencé ce travail avec l'Angola, avec même au Kenya, en Afrique du Sud. Et quand on cherche, on trouve. Alors, les australopithèques, dans leur tout, il y a au moins 8 espèces d'australopithèques qui sont réparties donc d'Afrique orientale à l'Afrique australe. Il y a des formes plus graciles, comme l'Africanus ou Prometheus. Il y a des choses plus robustes, comme les paranthropes, qui sont des australopithèques. Alors, les boisilles en Afrique orientale et les robustus en Afrique australe. Donc, on a un pléthore de données aujourd'hui. Et également, une espèce récente, découverte en 2000 en Afrique du Sud, c'est l'Australopithecus sediba. Donc, on a aujourd'hui pas mal d'individus. Et ce qui est intéressant sur toutes ces espèces, c'est que toutes présentent des adaptations à la fois à la bipédie, mais au grimpé. On a une pléthore de formes avec des variations à la fois dans la locomotion, alors un peu plus grimpeur, un peu plus bipède, un peu moins bipède. Et c'est ce qui fait la force de ces australopithèques. Et ce qui nous confirme également que les environnements n'étaient pas des savanes sèches, ou très rarement des savanes sèches, il y avait toujours de l'eau et un peu d'arbre quelque part. Alors, parmi les australopithèques célèbres, je reprendrai un titre de Geo Deutschland qui s'appelait Lucy, une primadonna. C'est vrai, Lucy, ça a été une mascotte fantastique pour la paléontologie, découverte en 1974 par une équipe de vieux messieurs, excusez-moi, à l'époque, ils étaient jeunes, Yves Coppens, Don Johansson et Maurice Taïeb, qui dirigeaient la mission internationale de la FAR. Et Lucy a été trouvée en novembre 1974 sur les sites de Hadar. Et Lucy, ça a été vraiment un grand moment parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, on ne connaissait pas de squelette complet d'un ancêtre de l'homme avant les Néandertaliens. Donc Lucy, c'était vraiment le squelette phare qui nous permettait de comprendre comment ça bougeait, comment ça mangeait. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, c'était en plus quelque chose d'assez particulier puisque j'ai fait ma première thèse sur Lucy. Donc ça a été aussi... Enfin, un étudiant qui arrive, le patron lui donne une découverte aussi exceptionnelle. Fallait pas se planter. Bon, c'est peut-être planté, j'en sais rien. C'est l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est resté une mascotte de la paléontologie humaine. Alors, elle est datée de 3,2 millions d'années, elle mesure 1 mètre à 1,05 m, c'est une petite bonne femme, elle était jeune adulte, d'ailleurs, elle avait le même âge qu'Aurorine, c'était des jeunes adultes tous les deux. Elle grimpait aux arbres, et ça, c'était un des grands résultats de l'équipe de Coppens. Et si on voulait reconstituer le régime alimentaire de Lucy, ben, il faut d'abord regarder ses dents, ça paraît clair. Elle était plutôt frugivore, donc elle mangeait plutôt des fruits. Comme la plupart des australopithèques, quoique certains ont pu manger des graines, ou manger des choses plus... éventuellement rajouter un peu de choses carnées à leur alimentation. Mais aujourd'hui, on a un autre moyen de le connaître, cet environnement et ce type d'alimentation qu'elle pouvait avoir. C'est l'étude des isotopes stables du carbone et de l'oxygène. On travaille ça sur l'émail des dents d'éléphant. Et le carbone, notamment, nous permet, les isotopes stables du carbone, nous permettent de dire si on avait plutôt des feuilles ou plutôt de l'herbe, par exemple. Et donc, on peut, à partir de ça, tenter de dire, ben voilà, dans son environnement proche, il y avait plutôt des herbes, il y avait plutôt ça. Et puis, alors à quoi elle ressemblait? Ben, c'était un être pas très grand, 1 mètre, 1 mètre 0,5. C'était une petite bonne femme. Et elle avait une démarche très particulière. les hanches ont des articulations qui sont un peu orientées vers l'arrière. Donc elle devait marcher un peu, elle avait une démarche peut-être un peu chaloupée, ce qui a été aussi critiqué, mais ça me paraît cohérent par rapport à ce qu'on connaît du squelette. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment des reconstitutions mécaniques que l'on fait aujourd'hui avec la robotique, on pourrait faire plein de choses là-dessus. Voilà. Lucie, aussi, dans sa position dans notre phylogénie, bien sûr, au moment de sa découverte, on était sûr d'avoir trouvé maman, notre ancêtre direct. Et puis, maman s'est transformée en grand-mère, puis de grand-mère en grand-tante. Donc, aujourd'hui, c'est une voie un peu parallèle, mais ça fait partie de ce buissonnement. Et plus on travaille, plus on décrit d'espèces. Donc, c'est un buissonnement fou. L'évolution n'est pas linéaire. C'est pas une bête qui va évoluer, une bête qui ressemble au chimpanzé le plus souvent, ce qui est complètement faux, mais qu'on voit ressortir partout. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que quand on donne ça en pâture dans les médias, excusez-moi, je ne vais pas être très gentille par rapport aux médias, mais c'est vrai que beaucoup de médias l'ont utilisé, cette fresque, on voit une espèce de chimpanzé qui se redresse pour donner l'homme sur une ligne parfaite. C'est complètement faux, et ça entraîne surtout des idées créationnistes extrêmement profondes, parce que le chimpanzé n'est pas ancêtre. Le chimpanzé a évolué aussi sur sa propre voie, et c'est des buissonnements de formes. Et aujourd'hui, on commence à combler l'histoire des chimpanzés, à combler l'histoire des gorilles. On remonte à 9, 10, peut-être un peu plus de millions d'années, et c'est cohérent avec ce qu'on connaît des restes d'hominidés anciens. April 4, 1964, sur France Inter. Un savant anglais, le professeur Leakey, vient d'annoncer qu'il avait découvert les restes de quelques-uns de nos très lointains ancêtres, toute une famille. Il y a là 3 mâles, une femelle et un petit. Il les a baptisés les hommes Homo habilis, en latin, comme il se doit, la femme Cendrillon. Le docteur Leakey attribue à son Homo habilis près de 2 millions d'années. 1 800 000 ans exactement. L'ethnologue Pierre Ichac. L'endroit est absolument extraordinaire. C'est un énorme ravin d'une centaine de mètres de profondeur qui est taillé dans des anciens dépôts de l'ancien du fossile lac Victoria qui s'étendait extrêmement donc, loin. Donc en Afrique orientale. Donc en Afrique orientale, dans le nord du Tanganyika. Bref, avec ces 1 820 000 ans, je crois, on se trouve très loin des 6 000 ans de la Bible. Et une chose intéressante à signaler, c'est que tout cela se trouve dans l'Est africain, qui serait donc très probablement le berceau de l'homme. Et nous serions les descendants, peut-être, de cet Homo habilis et de cette Cendrillon. Alors, cet Homo habilis, il y avait des fragments de crâne, il y avait donc ces fragments de pieds et de mains. Et comme dans les mêmes niveaux, on trouvait des outils, on a attribué les outils à l'Homo habilis. Toutefois, on sait qu'aujourd'hui, qu'on a des outils très anciens, à 3,3 millions d'années. Et qu'à l'époque, il y a aussi des australopithèques. Donc, on revient à la case départ. Coppens et Chavaillon, dans la vallée de l'Homo, avaient trouvé des éclats, des choses retouchées à 3 millions d'années. Et là, on n'avait pas d'Homo habilis. Donc, il est tout à fait possible qu'un des australopithèques, une des espèces d'australopithèques, ait pu avoir des outils, ait pu manufacturer des outils. Alors, Homo habilis, ça pose problème tout de même, parce que pendant longtemps, ça a été un fourre-tout. Tout ce qu'on ne savait pas mettre dans Australopithèque, on le mettait dans Homo habilis. S'il y avait une dent qui était un peu plus évoluée, c'était de l'Homo habilis. Et l'Homo habilis, je trouve que c'est pendant vraiment très longtemps un fourre-tout. Surtout que quelquefois, la limite Australopithèque-Homo n'est pas aussi claire que ça. Ça reste quand même, il y a quand même quelques spécimens bien clairs, mais ça reste quand même une espèce qui doit être encore bien cadrée. Alors, Homo habilis, est-ce que c'est celui qui est sorti le premier d'Afrique? Parce que tout le monde vous dit, ah, c'est Homo habilis qui est parti conquérir le monde et on le voit avec son flambeau, etc. Alors moi, j'ai une position peut-être un tout petit peu plus, peut-être hérétique encore, en tout cas peut-être un petit peu plus pondérée, parce que je pense que dès que le bonhomme a pu marcher, qu'il soit australopithèque ou pas australopithèque, il s'est déplacé. Et j'ai du mal à imaginer que d'un seul coup, c'est un homme qui sort d'Afrique et qui va se répandre partout. Moi, je pense que ça a pu être un peu avant. Il y a pu avoir des Homo habilis, il y a pu avoir des choses encore entre Homo habilis et les ergastères. Il y a certainement beaucoup, beaucoup d'essais à des moments différents, à part des groupes différents. Et il y a peut-être eu d'ailleurs, après, des mélanges qui font qu'on a tellement de mal à mieux cerner les espèces européennes. Isn't it? mustard green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Stick around, baby, don't leave too soon. 'Cause you can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying. It's even worse to keep my head when they say she. C'était William Zivilin, Anybody Gonna Move. Les aventuriers sur France Inter. Nous sommes tous des Africains. Il y a 2 millions d'années, probablement, les premiers Homo erectus sortent d'Afrique et peuplent l'Eurasie. Pour la paléontologue Brigitte Senu, il y a eu des allées, des retours, des demi-tours, des mélanges de populations. Alors c'est sorti d'Afrique justement, donc pour moi c'est pas une seule sortie, c'est pas un seul type d'homme, je pense qu'il y a plusieurs espèces, probablement à des moments différents. Mais en tout cas, il reste certain aujourd'hui que les plus anciens Européens, en tout cas la frontière européenne, ce sont les Géorgiens, avec les espèces trouvées à Dmanissi. Donc ces espèces trouvées en Géorgie qui ont environ 1,8 million d'années, et qui ont des caractères très proches des Homo ergaster africains, qui sont des hommes un peu plus récents que les Homo habilis. Et du coup... Cette sortie d'Afrique, elle semble confirmée par ces découvertes. Alors le souci qu'on a maintenant avec l'Homo georgicus, donc de Géorgie, c'est qu'on a plusieurs crânes et les crânes ont des morphologies très différentes. Alors est-ce que ces morphologies sont liées à des âges différents, des âges biologiques différents? Est-ce que c'est lié à une variabilité de ces groupes? Parce que finalement, on connaît très très mal la variation et la variabilité. Si vous mettez 50 Homo sapiens de Paris dans la rue et que vous regardiez leurs crânes, ils n'ont pas le même crâne. Donc on a vraiment des problèmes pour bien maîtriser cette variation morphologique. Et justement, c'est un des avantages de l'homme de Géorgie, c'est de montrer cette variabilité. Et ça va nous permettre d'être peut-être plus prudent quand on crée de nouvelles espèces. Alors, c'est à cette époque-là également qu'on va voir apparaître vers 1,8 million à 1,6 en Asie les premiers Homo erectus. Alors, ce sont des êtres d'abord plus grands, à cerveau plus grand que les Australopithèques ou les Homo habilis. Ce sont des êtres qui ont des crânes, enfin pour les Asiatiques en tout cas, des crânes un peu plus bas, avec des forts bourrelets suborbitaires, enfin des crânes assez typés. Et ils ont visiblement peuplé l'Asie pour les Homo erectus. C'est peut-être eux qui ont donné des descendants, qui ont donné naissance à l'Homo floresiensis, l'homme de Flores, parce que maintenant on sait qu'il y a eu des passages possibles, puisque la répartition des Homo erectus en Asie est liée à la variation des niveaux marins. Il y a des moments où les glaces prenaient l'eau, des moments où l'eau était là. Donc toutes ces migrations, et ça s'est passé pendant des centaines de milliers d'années. C'est pas pendant une année. Donc il faut être extrêmement prudent quand on parle de cette espèce qui s'est déplacée comme ci, comme ça. En fait, c'est lié à la variation géographique. Et toute l'évolution de l'homme, elle est liée à cette variation géographique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Alors, en Europe, après les ergastères, on a aussi trouvé des espèces assez anciennes, comme les hommes d'Atapuerca, 1,4 million d'années en Espagne, les homo antécessors qui ont environ 800 000 ans, les Heidelbergensis, et tout ça, c'est de tout ça que vont émerger un moment les Néandertaliens, mais ça, c'est une autre histoire que Marilène Patoumatis, ma chère collègue, va vous raconter demain. Dans l'histoire de la paléontologie, enfin, moi qui suis paléontologue, mais je ne fais pas que de l'homme, hein, je fais plein d'autres choses que de l'homme, le terrain est un passage incontournable. Moi, je suis très triste de voir aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui restent scotchés à leur ordinateur, faire des reconstitutions. C'est bien, il faut en faire. Mais le terrain, c'est quelque chose de fondamental pour une raison très simple. Le terrain ne ment jamais. Vous pouvez mal l'interpréter, mais le terrain, il vous livre ses données. Et sur ce terrain, c'est important parce qu'on a toujours les choses en contexte. Et travailler sur un os, si on ne maîtrise pas bien ce qu'il y avait autour, ça va permettre quelquefois de ne pas bien comprendre pourquoi il a ce type de fossilisation, pourquoi il a cette forme, pourquoi il y a ces assemblages. Et c'est l'histoire du terrain qui nous le dit, c'est l'histoire géologique. C'est pour ça qu'un bon paléontologue de terrain, c'est avant tout un géologue. En tout cas, il doit se paxer, j'allais dire, avec des géologues compétents de terrain, parce qu'il faut pouvoir comprendre les enchaînements des couches, puisque c'est dans ces couches que se trouvent les fossiles. Et il faut savoir exactement où ils sont placés dans le temps et dans l'espace. Alors, notre travail, bien sûr, en tant que chercheur, c'est il y a des spécialistes de plusieurs domaines, bien évidemment, mais il est fondamental que l'on puisse travailler avec des gens locaux, et notamment, que ce soit en Ouganda, en Kenya, en Namibie, on travaille avec des populations locales. Et en général, on emploie, une vingtaine de personnes, selon le cas, une trentaine, ça dépend des cas. Et ça nous permet de faire de la formation de terrain aussi. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à Kip Thalam, qui avait quand même été assistant de Martin Pickford pendant des années, il était bien meilleur que les étudiants qui arrivaient, parce qu'il connaissait, il avait la maîtrise. En plus, c'est des gens qui étaient en permanence dans ce milieu. Quand il a bourré le champ, il trouvait des os, ils étaient curieux des choses. Et du coup, on a continué cette formation. Donc, on a fait des formations à Paris, il y a eu des étudiants qui ont été formés, et on continue aujourd'hui à le faire. Et ça, je trouve que, pour moi, c'est réjouissant, parce que d'abord, je ne suis pas éternelle, ça se saurait. Et il faut qu'il y ait un passage de relais. Mais le passage de relais, comme on l'a fait pendant très longtemps, c'était, et qu'on le fait encore dans certains pays, je trouve que c'est un peu dommage, parce que on ne laisse pas l'indépendance aux populations locales et aux collègues locaux. Et je trouve que cette indépendance est importante pour aller vers l'avenir. Et je trouve que la science, elle a besoin de dispersion des idées, de buissonnement d'idées. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, avec les systèmes de communication que l'on a, on va de plus en plus vers des idées, des systèmes de pensée unique. Ce qui est fondamentalement mauvais et faux pour la science. Quand on est paléontologue de terrain, on est confronté à beaucoup de gens, Alors, quelquefois pas beaucoup, parce que dans le désert de Namib, par exemple, il n'y a pas beaucoup de gens autour. Hein. On n'a que des oryx, des hyènes brunes, je suis à 135 km de la première ville. Donc là, on n'est pas vraiment dérangé. Et surtout, on est seul. Mais en Kenya ou en Ouganda, par exemple, les gens sont avec nous. Et c'est fondamentalement enrichissant de pouvoir discuter des choses de l'évolution. Alors, par exemple, il y a des endroits où on travaille soit en Namibie, ça m'est arrivé, avec des gens qui croient en l'église réformée hollandaise, qui est très dure, très luthérienne, et comme avec des gens qui sont plutôt musulmans. On est arrivé à monter avec l'équipe plusieurs expositions sur l'évolution des animaux ou même de l'homme, sans jamais utiliser le terme d'évolution. Il ne faut pas brusquer les gens, il faut respecter les gens. On a parlé de transformation, de modification, c'est très bien passé. Il y a quelques années maintenant, ça devait remonter en 94 ou 93, j'avais un camp au bord du lac Albert, à la frontière du Zaïre. Et à la fin du camp, après 3 mois de terrain, on faisait toujours, on tuait la chèvre, et puis j'invitais le chairman et puis les gens du village d'à côté, et puis on partageait un moment très convivial. Ce monsieur était musulman. Il n'a pas voulu goûter la chèvre. Alors moi j'étais très embêtée, bon il a mangé que du riz toute la soirée, mais alors, par contre, sous les étoiles, on a eu des débats extrêmement intéressants, et des échanges sur l'évolution et l'avenir de l'homme, et le passé de l'homme. C'était extraordinaire. Brigitte Senu, La Dame aux fossiles, de Philippe Aimé, 2012. Naweka mawe moja. Je mets une pierre, deux pierres, trois pierres, et ça avance doucement vers le développement. Un jour, une personne ou deux ou trois de cette communauté reviendront travailler ici pour faire mon travail, car je serai vieille. Et plus tard, on aura une, deux ou trois professeurs de paléontologie ou de géologie de la communauté qui feront mon travail. Cet extrait, il a été enregistré au Kenya, sur notre camp de Rondinine, puisque chaque fois qu'on arrive, il y a un peu un conseil des anciens, des responsables locaux, etc. Et là, on était revenu après quelques années. On n'était pas venu, puis on est revenu. Et du coup, on m'a demandé de faire un petit discours. Alors, mon swahili est très mauvais, je vous l'assure. Et en fait, ce que je leur disais, c'est que quand on bâtit une route, on met une pierre, deux pierres, trois pierres et la route avance. Et ce que l'on essaye de faire, nous en Afrique, c'est pas facile, ben on essaye d'avancer chaque année avec un peu plus de formation, un peu plus de recherche. Et ce que je leur disais, c'est qu'un jour, j'espère qu'il y aura quelqu'un de la communauté qui sera capable de prendre mon travail quand je serai très vieille, parce que je serai plus capable de le faire. Voilà, et je le souhaite toujours. Ça fait déjà 40 ans que je pratique ce métier, donc c'est pas récent, mais c'est un métier qui a une vocation profonde. Depuis toute petite, je ramasser des cailloux, je voulais ramasser des fossiles, et j'avoue que j'ai la chance de faire un métier qui est à la fois un passe-temps. Donc pour moi, je me fais plaisir tous les jours, enfin moi maintenant avec l'administration qu'on a qui nous plombe les journées, mais sur le terrain, je crois que la joie de faire du terrain est toujours aussi intense et aussi présente. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il est important pour l'avenir de la recherche d'impliquer de plus en plus les gens locaux, parce que c'est par eux, on en parle beaucoup dans la protection de la nature, pour protéger les chimpanzés, etc. On fait des parcs et on les exclut, ça c'est terrible. Il faut inclure les gens dans la protection, que ce soit des espèces actuelles ou du patrimoine fossile, parce que c'est eux qui sont les gardiens du passé comme de l'avenir. Donc ça, c'est fondamental. Qui sont nos ancêtres, grands singes, hommes, ce que l'on ne sait pas encore? Il s'agit d'un album destiné à tous, écrit par Brigitte Senu et Anna Alter, illustré par Caroline Hu. Vous pouvez aussi retrouver Brigitte Senu dans le livre qui est paru chez Flammarion, Les grandes épopées qui ont fait la science, en partenariat avec France Inter. Toute la série des Saventuriers de cette saison estivale est déjà à votre disposition sur le site de France Inter pour que vous puissiez les emporter en vacances. Oui, vous pouvez déjà écouter les 18 épisodes. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, Grégory Wallon et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. À demain, Marilène Patoumatis, préhistorienne, vous racontera l'homme de Néandertal et Homo sapiens.